le temps est lent, que je galère par moment. Que je chante autodidacté par le vent. Guitare à l'oreille, je veux encore faire parler les gens. Malgré mes saignements, le chant sous mes pansements. On est pas et on finira tous sous un bout de terre. Date de la mort, le blast sur un bout de pierre. Depuis trop longtemps je me cherche, je suis du père. Dédupé par cette situation qui devient prospère. Nos pensées se perdent et nos proches manquent de repères. Je porterai la lune pour le confort de mon père. Que je crève avant car j'aurai pas la force de les perdre. Les magistrats, je ne connais leur Célora. Les petits crèvent pour Célio, les femmes pour Sephora. Tomber on a appris enfin, c'est ce qu'on s'efforcera. Que Dieu me donne la force de continuer à pleurer. Que Dieu me donne la force, continue à pleurer. On a tant souffert, pression sanguinaire. Petit frère, tu vas t'y faire. Reste fidèle, je resterai unique. Viser le ciel en restant fidèle à ma musique. On a tant souffert, pression sanguinaire. Petit frère, tu vas t'y faire. Reste fidèle, je resterai unique. Viser le ciel en restant fidèle à ma musique. Je suis toujours le même, parlant seul à ma PlayStation. Quelques clics des échecs, réussite, Google, Dailymotion. Les cœurs se ravivent, situation qui vivent. Les sentiments sont rigides, en devenir timide. Rien n'est moins sûr, de bois vieux avec des rides. La vie est dure, sur le rail, le pire sur un ride. On parlera pas d'Afrique, les vallons qu'on minute inside. Et rien à foutre de leur challenge, leur barème. Ta vie est aussi sale que l'épisode leur IM. Plutôt à la vie, je fais le ramadan et le carême. 48 City marqué, c'est très bien pour les parlèmes. Nous sommes des princes vu que nos mères règnent. Je donne du concret,